Voici une petite astuce qui vous aidera à retrouver de nombreux verbes en ar. Prenez un mot français se terminant par sion. Libération, par exemple. Enlevez les lettres T-I-O-N et ajoutez un R. Le tour est joué. Vous obtenez liberar, libérer. Quel verbe pouvez-vous alors retrouver à partir de invitation? Eh oui, invitar. Si, quelle chance se dit qué suerte et s'écrit en deux mots. Q-U-E accent aigu et S-U-E-R-T-E. Et en utilisant le verbe cenar, C-E-N-A-R pour dîner, dites-moi, ils veulent m'inviter à dîner. Quelle chance! Quieren invitarme a cenar? ¡Qué suerte! Quieren invitarme a cenar. ¡Qué suerte! Il fallait effectivement souder le « mais » au verbe nu « invitar ». Ou, vous auriez pu dire « me quieren invitar a cenar ». Pour dire parfois, on emploie « a veces » en espagnol. On l'écrit en deux mots. « A » plus loin « veces » « V-E-C-E-S ». Oublier se dit « olvidar » « O-L-V-I-D-A-R » et c'est un verbe discipliné. Notez que « olvidar » s'emploie généralement avec « me »,« se » ou « nos » comme dans « me olvidé » pour dire « j'ai oublié ». Traduisez-moi alors « parfois j'oublie d'accentuer les mots ». Vous avez dit « a veces me olvido » d'accentuer les palabras. Bon, c'est logique. Vous avez bien respecté la transformation. Vous êtes parti de accentuation, mais en fait, en espagnol, on dit acentuar avec un seul C. Vous ne pouviez pas le savoir. Vous pouvez redire la phrase, s'il vous plaît. Parfois, j'oublie d'accentuer les mots. A veces me olvido de acentuar las palabras. A veces me olvido de acentuar las palabras. Dites maintenant, parfois, il oublie d'accentuer les mots. A veces se olvida de acentuar las palabras. A veces se olvida de acentuar las palabras. Il fallait effectivement utiliser se devant olvida pour dire il oublie. Imaginar est un autre verbe qui peut se construire à partir d'un mot français en sion. Et comment diriez-vous justifier en partant de justification? C'est bien sûr justificar. Vous pouvez donc me traduire « Je ne peux pas imaginer comment les justifier. » No puedo imaginar cómo justificarlo. No puedo imaginar cómo justificarlo. Pour dire ceci, vous emploierez esto. E-S-T-O. Et pour cela, eso, E-S-O. Donc, comment direz-vous? Je ne peux pas justifier ceci. No puedo justificar esto. No puedo justificar esto. Et que dites-vous de je ne peux pas justifier cela? No puedo justificar eso. No puedo justificar eso. Continuons avec notre petite transformation pour retrouver facilement des verbes en ar. Comment diriez-vous considérer? Bien, considerar. Avant de continuer avec ce verbe, laissez-moi vous donner une autre expression bien utile. Il s'agit de d'accord, qui se dit de acuerdo et s'écrit de, D-E, plus loin, acuerdo, A-C-U-E-R-D-O. De acuerdo ressemble beaucoup à d'accord. Vous n'allez donc pas olvidar facilmente cette expression. Comment diriez-vous alors, en tenant compte du fait que vous exprimez une volonté, donc quelque chose de subjectif, je veux que vous considériez ma proposition, d'accord? Quiero que considere mi proposición. ¿De acuerdo? Quiero que considere mi proposición. ¿De acuerdo? Il fallait effectivement utiliser le subjonctif après querer, vouloir. Et comme considérer est un verbe discipliné, il suffit d'échanger les a en e pour former ce temps. Donc, considera devient considérer. Enfin, pour dire d'accord, on a utilisé ici de acuerdo. Mais vous entendrez plus souvent vale, V-A-L-E. Toutefois, vale s'utilise plutôt dans un langage familier et le ton de la phrase que vous avez traduite était un peu plus soutenu. Il était donc plus approprié d'utiliser de acuerdo. Ok s'emploie très peu en Espagne. Dites plutôt vale.